Ce matin, nous commençons d'étudier l'Épître au Philémon. Peut-être nous allons la terminer, mais il n'y aura certainement pas plus que deux partages sur cette épître-là. Et commençons par la prière sur les pieds. Notre Père du ciel, nous sommes des enfants des ténèbres, de par nature. Et chacun de nous, nous avons vécu dans ces ténèbres, dans cette folie, dans cette mort spirituelle pendant plus ou moins longtemps. Et nous avons acquis pendant ces années-là des idées, des principes, des définitions de différentes choses dans nos vies. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides à voir clair qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui vient de la chair ou du monde, qu'est-ce qui vient du malin. Et je crois que ce matin, en étudiant l'Épître au Philémon, nous allons voir la grande différence entre ce que l'amour du monde, ou la façon que le monde définit l'amour, ou la façon que la chair définit l'amour, est bien différent de la façon que toi, tu le fais. Donc, guide-nous par ton esprit, afin que nous puissions aimer de la même façon que tu nous as aimés. Au nom de Jésus. Amen. Pendant plusieurs années, je me suis demandé, qu'est-ce que l'Épître à Philémon vient faire dans la Bible? On n'y trouvait pas de grands enseignements, comme dans Romains. On n'y trouve pas des encouragements ou des exhortations à persévérer dans la foi ou par rapport au retour du Seigneur. Il me semble que je disais, ben, c'est un homme, Paul, qui écrit à un autre homme, Philémon, et on lui parle. Il parle à Philémon qu'un tel personnage, qu'on appelle Onésime, est venu au Seigneur et lui renvoie. Il le renvoie chez eux. Et il me semble que j'avais de la misère à comprendre le sens. Mais à force de lire et de lire et de méditer, ben, je crois que je ne sais pas si j'ai trouvé la raison fondamentale de Paul ou de Dieu en mettant cet épître-là dans la Bible, mais à force de le lire, j'ai trouvé ça tellement, je peux appeler le terme beau, la façon que Paul s'adresse à Philémon. Et j'ai trouvé que c'était tellement différent de la façon que moi je m'adresse à des personnes ou à des gens, ou à mon épouse, ou à mes enfants. Paul va s'adresser avec amour à Philémon, et il sait, comme nous allons le voir ensemble, il sait que Philémon est reconnu pour l'amour qu'il a pour les croyants. Donc, quelqu'un qui a de l'amour pour Philémon, et Philémon a de l'amour pour Paul. Donc, comment ces deux personnes-là communiquent-ils ensemble? Mais là, on ne sait pas ce que Philémon va répondre. Mais on va voir que Paul, des fois, il dit, je sais comment tu vas répondre. Parce qu'il s'attend à ce que l'amour réponde de telle façon. Donc, c'est vraiment... c'est rafraîchissant de regarder ce livre, parce que c'est tellement différent de ce que c'est qu'on pense de l'amour. Et, ce matin, j'écoutais des chants chrétiens et je me disais, est-ce qu'on comprend bien l'amour? Est-ce qu'on comprend bien l'amour que Dieu veut qu'on ait pour lui et pour l'Église? Donc, je vais prendre le temps de la lire au complet et ensuite ça, on va méditer dessus pour le temps qui va nous rester. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé

tristesse de sa part. Aucune aigreur contre Dieu. Il est en prison et il continue à partager sa foi et continue à conduire du monde au Seigneur pendant qu'il est là. Il ne pouvait certainement pas dire à Onésime, « Si tu te convertis, ça va bien aller. » Il ne pouvait pas dire ça. Lui-même était en prison pour l'Évangile, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'a certainement pas pu dire à Onésime, « Si tu te convertis, mon Onésime, ça va bien aller. » Mais il est un exemple parfait, si je peux dire ainsi, du contentement, ou de quelqu'un qui comprend que la cause de Christ est plus importante que lui-même. On voit aussi ce personnage qu'on appelle Onésime qui semble avoir été un esclave de Philémon. Et à ce qu'on peut comprendre, il s'est évadé. Et Paul, l'ayant conduit au Seigneur, va le renvoyer chez Philémon avec une lettre pour son ami. Est-ce que c'est Onésime qui va ramener la lettre? On ne peut pas garantir, mais probablement que c'est ça qui est arrivé. Et la requête qu'il va demander à Philémon, ce n'est pas une petite affaire. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre Philémon et Onésime. Et quel tort Onésime a causé. Parce que Paul va dire, s'il te doit quelque chose, est-ce qu'il a causé du tort ou autre chose? On ne sait pas. Mais ici, Paul demande à Philémon de recevoir cet esclave en fuite et de le recevoir de telle manière qu'il le reçoive comme Paul lui-même serait là. Il va dire, reçois-le comme si c'était moi-même qui retourne chez toi. Et là, ça prend l'amour chrétien. Paul s'adresse à lui, et il semble dire que Philémon a une maison dans, une église dans sa maison, et qu'il y a des croyants qui se rassemblent là. Et est-ce que c'est ça qui parle quand il dit qu'il tranquillise le cœur des croyants? Est-ce que Philémon était parmi ceux qui enseignaient dans cette église-là? Peut-être. Si c'est ça, on voit que l'enseignement que Philémon donnait, ou le témoignage qu'il donnait, tranquillisait le cœur des croyants, qui est souvent inquiet. Le cœur des croyants est souvent dans l'interrogation. De qu'est-ce que c'est que Dieu veut? De qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Qu'est-ce qui les attend? Ou l'inquiétude que causaient les persécutions dans leur vie. Et Philémon est reconnu comme quelqu'un qui tranquillise les gens. Et ensuite, on voit au verset 4 que Paul va dire quelque chose avant de faire la requête ou de tuer le sujet principal de sa lettre, qui est Onésime, le retour d'Onésime chez Philémon. Il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Donc, Paul rendait grâce à Dieu, souvent quand il faisait mention de Philémon dans ses prières, il rendait grâce à Dieu. Il rendait grâce à Dieu pour deux choses. D'abord, pour la foi que Philémon a au Seigneur Jésus et de son amour pour les saints. Et je dirais que ces deux choses sont indissociables. On ne peut pas aimer les saints sans, premièrement, avoir la foi dans le Seigneur et d'aimer le Seigneur. On ne peut pas. Les deux vont de pair. Parce que quand on a la foi dans le Seigneur et que lui, il nous aime, le Seigneur, nous, maintenant, on aime le Seigneur. Parce qu'on dit souvent cette phrase, « Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. » Découvrant l'amour de Dieu pour lui, Philémon a aimé le Seigneur, et il a aimé aussi les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu, les élus du Seigneur, l'Église du Seigneur, le corps de Christ. On ne peut pas dissocier les deux. Et cet amour dont Dieu nous aime, qui met en nous, par l'Esprit qui vient en nous, parce que le fruit d'Esprit, c'est l'amour. Donc, lui, il nous aime et il met en nous l'amour qu'il a, par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'on puisse l'aimer lui en premier et aimer les frères aussi, de la même sorte d'amour. Donc, lui, il nous aime d'un amour qui vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Il nous donne cet amour-là afin qu'on puisse l'aimer, lui, de la même sorte d'amour. Et depuis, on puisse aimer les frères que lui va sauver dans sa grâce et dans son amour. Donc, on aime les frères et sœurs avec la même sorte d'amour qu'on aime le Seigneur. Et on aime le Seigneur avec le même amour que lui nous a aimés. Donc, c'est un amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui vient du ciel, c'est pas un amour de passion, c'est pas un amour de désir, c'est pas un amour sexuel ou sensuel. C'est un amour qui vient de Dieu, afin qu'on puisse l'aimer, lui. Et cet amour-là va nous rendre capables d'aimer. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu. Voyez-vous, il peut pas rendre grâce à Philémon, il peut pas taper sur l'épaule de Philémon et dire, ah, Philémon, toi, tu es un homme qui sait aimer. Ah! T'es une femme qui a un amour grand. T'es un homme qui a un amour grand. Il ne peut pas dire ça aux chrétiens. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que tu aimes le Seigneur Jésus et que tu aimes les frères et les sœurs dans la foi. Et il dit, je prie aussi, au verset 6. Je prie afin que la participation à la foi que tu fais, que tu as, dans ton église, avec les frères et sœurs, et par l'enseignement, si Philémon enseignait, soit efficace pour l'avancement du royaume de Dieu ou pour la cause de Christ. Et en faisant connaître en nous toute espèce de bien. Et je prie que tout ce que tu fasses soit efficace pour l'avancement de la cause du Seigneur. Tout ce que tu fais chez vous, là, la maison, le prendre soin des frères et sœurs, des recevoir, ils étaient pas malement riches, maison, esclaves, et les autres qui étaient pauvres, peut-être qui étaient moins fortunés, tu les aides, tu prends soin d'eux autres. Il dit au verset 7, « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi le frère, le cœur des saints est tranquillisé. » Tu tranquillises les frères. Tu donnes du repos aux frères. Tu n'es pas quelqu'un qui écrase les frères. Tu n'es pas quelqu'un qui met des fardeaux sur les frères. Tu les tranquillises. Tu les emmènes la paix. Tu les consoles. Donc, ça nous en dit beaucoup par rapport à la capacité de Philémon, à ses dons, probablement, à sa personnalité. Peut-être qu'il avait un don de compassion, de miséricorde. Mais une chose de certaine, sa relation avec les frères et sœurs les tranquillisait. Dieu l'avait équipé de dons, de personnalité dans son caractère, pour faire cela. Et Paul va lui dire, un peu plus loin, « Tranquillise mon cœur à moi aussi. » Donc, si je résume, Paul est en prison, il conduit quelqu'un au Seigneur, qu'on appelle Onésime, et il va le retourner à Philémon. Mais il commence sa lettre en lui disant, je rends grâce à Dieu de ton amour pour le Seigneur et de ton amour pour les frères et sœurs. Et on va dire, on va voir demain, au verset 8, c'est pourquoi, à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu es, c'est pourquoi je vais te faire une requête. Si ça va pas être ainsi, je me demande si Paul aurait renvoyé Onésime chez lui, ou s'il aurait fait cette requête à Philémon. Donc, Philémon est un homme qui est reconnu pour son amour pour le Seigneur et pour les frères. Celui qui aime tranquillise. Celui qui pratique l'amour de Dieu tranquillise, amène le repos. Et c'est pas ce que Jésus avait dit. Prenez mon joug. Il est facile. Il est doux et je vous donnerai du repos. Et le verbe pourrait être traduit là, au lieu d'être tranquillisé, tu as reposé, tu as emmené du repos aux frères et sœurs. Notre Père du ciel, merci, nous te bénissons. Nous te bénissons que tu as rendu Philémon capable d'aimer avec ce genre d'amour qui vient de toi. Merci que cet Esprit Saint que tu as mis en nous, lui aussi nous a donné cet amour. Et nous autres aussi, nous pouvons aimer dans ta grâce et tranquilliser le cœur des saints. Et en faisant cela, il y a des actions de grâce qui montent vers toi, parce que nous savons que ce genre d'amour vient de toi et non pas des hommes. Et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.